Je suis dans une phase à tout lâcher. C'est criminel quand on se laisse. Bébé appelle, faut qu'on s'enlace. Je suis pas une fille de passage. Pas de celle qui